Oh, regarde, il y a l'animation là-bas, là. Il y a les sirènes. Eh, Samuel, c'est vrai, y avait regarde la caméra, s'il vous plaît. C'est vrai, il y avait les pompiers, putain, t'as loupé ça, la Dagonière, elle passe une fois l'an.